Chapitre 26e. La mère et le fils. Mr. Thornton, en quittant la demeure de Mr. Hale, était dans un étrange abattement. Il avait des vertiges, et n'aurait pas été plus frappé de stupeur si Marguerite, au lieu de parler et d'agir en femme supérieure et distinguée, lui eût répondu à la façon des harengères, par un vigoureux coup de poing. Il sentait positivement une douleur physique, un violent mal de tête. Son pouls était irrégulièrement agité. Il ne pouvait supporter ni la lumière, ni le bruit, ni le mouvement de la rue. Il s'en voulait à lui-même de souffrir ainsi, sans pourtant se rappeler précisément la cause de son mal. Il aurait voulu pouvoir pleurer et crier, comme ce petit enfant qu'il voyait assis au seuil d'une porte, trépignant de colère et versant des larmes de rage sur un joujou brisé par quelque garçon plus grand que lui. Il se disait qu'il haïssait Marguerite, mais un éclair d'amour sortant de son cœur traversait le sombre chaos de ses idées, au moment même où il laissait échapper des paroles de haine. Il se complaisait dans sa douleur, et il se répétait ce qu'il lui avait dit, qu'elle aurait beau le repousser, le mépriser, le traiter avec une fière et souveraine indifférence, ses sentiments ne sauraient changer. Il l'aimait, et il continuerait de l'aimer, en dépit d'elle-même et de toutes les souffrances morales et physiques qu'il éprouvait. Il s'arrêta un instant pour se rendre compte à lui-même de sa résolution et raffermir pour ainsi dire. Un omnibus passait. Le conducteur, croyant qu'il désirait une place, s'arrêta près de lui. Pour éviter la peine d'une explication, il monta sans s'inquiéter du but de la course et le véhicule l'emporta. Bientôt, il fut hors de la ville, passa devant de longues rangées de maisons, puis devant des villas détachées avec leurs jardins fleuris. Puis vint la vraie campagne, avec ses clos bordés de haies, et plus tard une toute petite ville. Ici, l'omnibus s'arrêta, tout le monde descendit, et Mr. Thornton suivit machinalement l'exemple des autres. Chacun s'en alla de son côté, ainsi fit-il. Il prit la première route venue, qui le conduisit aux champs. Il marchait très vite. Il lui semblait que la rapidité de la course soulageait son esprit. Il se rappelait tout maintenant, et la pitoyable figure qu'il avait dû faire, et l'absurde façon dont il avait été tenté une démarche qu'il s'était si souvent dit à lui-même être la chose la plus déraisonnable du monde, et comment cette démarche avait eu exactement les conséquences que, dans ses moments lucides, il avait toujours prévues. Avait-il donc été ensorcelé par ses yeux si beaux, par cette bouche demi-ouverte, qui la veille avait soupiré si près de ses joues? Il ne pourrait bannir la pensée de cette scène douce et terrible à la fois. Oui, cette tête charmante avait reposé sur son épaule, ses bras si beaux l'avaient entourée, oui, une fois au moins, s'il ne devait plus la revoir. Il avait beau réfléchir, il ne comprenait pas cette nature étrange, tantôt si brave et tantôt si timide, hier si tendre, aujourd'hui si souverainement hautaine. Puis, dans le but de mieux l'oublier ensuite, il voulut repasser dans son esprit tous les jours où il l'avait vue. Il se représenta les différentes toilettes sous lesquelles elle avait paru à ses yeux, ses diverses attitudes, les nuances variées de sa physionomie, sans pouvoir dire laquelle lui seyait le mieux. Ce matin même, qu'elle était belle, et quelle magnifique expression avaient ses yeux lançant sur lui de superbes éclairs, à l'idée que, parce que hier elle avait partagé ses dangers, il pouvait croire aujourd'hui qu'elle avait la moindre affection pour lui. Si Mr. Thornton avait fait preuve de folie dans la matinée, comme il se l'était dit à lui-même plus de 20 fois, il n'était guère devenu plus sage dans l'après-midi, et tout ce qu'il gagna à sa course d'omnibus fut une conviction plus profonde qu'il n'y avait jamais eue, qu'il n'y aurait jamais une femme qui valût Marguerite, qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle ne l'aimerait jamais, mais qu'elle-même, ni le monde entier ne pourrait l'empêcher lui de l'aimer. Et là-dessus, il retourna à la petite place du marché et remonta de la voiture qui le ramena à Milton. Il était tard quand on le descendit près de la fabrique. La vue de sa demeure ramena son esprit aux idées et aux habitudes de chaque jour. Il savait combien il avait à faire, plus qu'à l'ordinaire encore, à cause des événements du jour précédent. Il fallait voir les magistrats, ses collègues, arrêter définitivement les mesures qui n'avaient été que proposées le matin, pour voir à la sûreté et à la subsistance de ces nouveaux ouvriers irlandais, et les mettre à l'abri de toute tentative de la part des travailleurs mécontents de Milton. Enfin, et ce n'était pas ce qui lui coûtait le moins, il fallait pénétrer dans les appartements intérieurs et se trouver en présence de sa mère. Mrs. Thornton s'était tenue tout le jour dans la salle à manger, attendant à chaque minute la nouvelle du succès de la démarche de son fils auprès de Miss Hale. Elle avait pris, comme on dit, son cœur à deux mains, et bien des fois, au bruit de pas dans l'antichambre, elle avait ressaisi l'ouvrage échappé de ses doigts, essuyé ses lunettes obscurcies par les larmes, et fait courir diligemment son aiguille malgré le tremblement nerveux qui l'agitait. Mais chaque fois que la porte s'était ouverte, ça avait été pour livrer passage à un indifférent venu pour quelque insignifiant message. Alors ses traits se relâchaient de leur fixe rigidité et prenaient l'expression du découragement, si peu en harmonie avec leur roideur habituelle. Elle s'arracha enfin aux réflexions qui l'obsédaient et qui toutes roulaient sur les changements pénibles pour elle qu'amènerait nécessairement le mariage de son fils, et voulut tourner ses pensées vers un but matériel. Les nouveaux mariés auraient certainement besoin de linge de ménage. Mrs. Thornton se fit apporter d'immenses piles de nappes et de serviettes et commença à en faire l'inventaire. Les douzaines s'étaient mêlées et il y avait confusion entre ce qui était marqué à son nom, G.H.T., George et Anna Thornton, et ce qui portait celui de son fils. Parmi son linge, à elle, était un service damassé de Hollande, de l'ancienne espèce et d'une richesse exquise. Il eût été impossible de trouver actuellement rien d'aussi beau. Mrs. Thornton le regarda longtemps. Il avait fait partie de son trousseau de noces, et elle en était très fière alors. Elle commença, le cœur gros et les lèvres comprimées, à démarquer avec soin le G et le H, puis elle chercha son plus fin coton rouge pour y substituer d'autres initiales, mais sa provision était épuisée et elle n'eut pas le courage d'en envoyer chercher. Elle regardait dans le vide. Une foule de visions différentes passait devant ses yeux, et dans chacune son fils était l'objet principal, son fils, son orgueil, et jusque-là sa propriété exclusive. Il ne revenait pas. Sans doute il était retenu par Miss Hale. Un nouvel amour l'avait déjà remplacé dans le cœur de Thornton. Une angoisse terrible, celle d'une folle jalousie, lui traversa le cœur. Elle ne savait si c'était une douleur physique ou morale, mais elle fut obligée de s'asseoir. Au bout d'un moment, elle se releva aussi droite que jamais. Un sourire forcé erra sur son visage, prêt à accueillir le sourire triomphant de celui qui ne saurait jamais tout ce que son mariage coûtait à sa mère. Dans tout ceci, il y avait à peine une pensée qui fut individuellement à l'adresse de sa future belle-fille. C'était pour elle la femme de John. Prendre la place de Mrs. Thornton comme maîtresse de la maison n'était qu'une conséquence naturelle, un des rayons de cette suprême gloire. Le bien-être intérieur, l'abondance, la pourpre et le fin lin, l'amour, l'honneur, l'obéissance, des amis, des serviteurs, tout cela viendrait se placer naturellement autour d'elle. Comme les joyaux sur un manteau royal relèvent la majesté d'une souveraine, sans qu'on apprécie la valeur de chacun d'eux. Être choisi par son fils, cela seul aurait à ses yeux élevé une fille de cuisine au-dessus de toutes les femmes du monde. Et en résumé, Miss Hale n'était pas trop mal, pensait-elle. Si elle fût née à Milton, elle lui aurait plu positivement. Elle avait du piquant, du goût, de l'esprit. À la vérité, tout cela mêlé d'une foule de préjugés, mais c'était la faute de son éducation méridionale. Puis vint une comparaison d'elle et de Fanny, assez mortifiante pour celle-ci, et pour la première fois, Mrs. Thornton parla aigrement à sa fille. Alors, par manière de pénitence, elle prit les commentaires de Henry et tâcha d'y donner toute son attention au lieu de continuer le travail où elle mettait habituellement tant de plaisir et même d'orgueil, l'inspection de son linge de table. Voilà son pas, enfin. Elle l'entend tout en finissant la lecture du passage que son œil parcourt et dont elle pourrait mécaniquement répéter chaque mot, quoiqu'elle n'en comprenne pas le sens. Elle l'entend ouvrir la porte du vestibule. Elle compte chacun de ses pas. Il accroche son chapeau à la patère de l'antichambre. Il est à la porte de la salle à manger. Pourquoi hésite-t-il à tourner le bouton? Elle est préparée à tout. Et pourtant ses yeux ne quittaient pas le livre. Elle ne les leva pas vers lui. Il s'approcha tout près de la table et resta là, debout, attendant qu'elle eût achevé le paragraphe qui semblait absorber toute son attention. Enfin, par un effort inouï, elle le regarda. « Eh bien, John ?» Ils savaient tous ce que voulait dire cette brève interrogation, mais lui aussi était préparé. Il avait cuirassé son cœur. Il aurait volontiers répondu par une plaisanterie. Oui, dans l'amertume de son âme, il aurait pu en trouver une, mais sa mère méritait mieux que cela. Il tourna autour de la table, se plaçant derrière elle, de manière qu'elle ne pût voir son visage, et prenant dans ses mains cette figure impassible et froide comme la pierre, il la baisa en murmurant « Personne ne m'aime, personne ne se soucie de moi, excepté vous, ma mère. » Puis il se retourna et alla appuyer sa tête contre le chambranle de la cheminée. Des larmes jaillirent de ses yeux en dépit de ses efforts. Mrs. Thornton se leva, elle chancela. Oui, pour la première fois de sa vie, la femme forte chancela. Elle mit ses mains sur les épaules de son fils. Nous avons dit qu'elle était d'une taille peu ordinaire. Elle le regarda en face, elle le força de le regarder. L'amour d'une mère est un don de Dieu, John. Rien ne peut le détruire. L'amour d'une femme est comme la fumée, dont le moindre vent change la direction. Elle n'a donc pas voulu de toi, mon pauvre enfant, vraiment? Ici, elle grinça des dents, et ses lèvres entr'ouvertes en laissèrent voir les deux rangs serrés. Lui, il secoua tristement la tête. « Je ne la mérite pas, ma mère, je le savais bien. » Mrs. Thornton grommela quelques mots entre ses dents fermées. Son fils ne put entendre ce qu'elle disait, mais à l'expression de ses yeux, il devina une malédiction, sinon grossièrement formulée, du moins aussi haineuse que possible. Et pourtant, tout en maudissant, le cœur de la mère bondissait de joie à l'idée que son fils lui était rendu. « Ma mère, » dit vivement Mr. Thornton, « je ne veux pas qu'on dise un seul mot contre elle. Épargnez-moi. Épargnez-moi, je vous en conjure. Mon pauvre cœur malade est bien faible. Je l'aime encore. Je l'aime plus que jamais. Et moi, je la hais, » dit Mrs. Thornton d'une voix sourde. « J'ai fait mes efforts pour ne pas la haïr quand elle est venue se placer entre vous et moi. Parce que, me disais-je, elle le rendra heureux. Et pour vous voir heureux, John, je donnerai tout le sang de mes veines. Mais à présent, je la hais, puisqu'elle est la cause de votre malheur. Il est inutile, mon fils, de chercher à me cacher vos douleurs. Je suis votre mère. Je vous ai porté dans mes flancs. Vos chagrins me sont des angoisses. Et si vous ne la haïssez pas, je la hais, moi. Alors, mère, vous me la ferez aimer davantage. Si vous la traitez injustement, il faut que je rétablisse la balance. Mais que parlons-nous d'amour ou de haine? Je lui suis complètement indifférent. C'est assez, c'est trop. N'en parlons plus jamais, ma mère. C'est la seule chose que vous puissiez faire pour moi, que son nom ne soit plus désormais prononcé entre nous. De tout mon cœur, je voudrais qu'elle et tous les siens s'en retournassent dans le pays d'où ils sont venus. Thornton resta immobile, regardant le feu pendant quelques minutes. Les yeux d'ordinaire si glacés de sa mère se remplirent de larmes en contemplant son fils, mais elle les refoula aussitôt, et lorsqu'il lui parla, elle avait repris son air calme et froid. On a donné l'ordre d'arrêter trois hommes comme révoltés, ma mère, dit-il. Cette émeute d'hier a fait merveille pour réduire la grève. Et le nom de Marguerite ne fut plus prononcé entre Mrs. Thornton et son fils. Ils retombèrent dans leur conversation habituelle, qui roulait toujours sur des faits et non sur les opinions, encore moins sur les choses du cœur. Leur ton était calme et froid. Un étranger qui les eût entendus eût certainement pensé n'avoir jamais vu régner une indifférence aussi glaciale entre deux êtres unis par une si proche parenté.